Active Instruments. C'est ça? Et Jean-Pierre, ça va? Enfin, on a deux Jean-Pierre ce soir. Non? Ah ouais, bah. Ah ouais. Non, parce que je sais pas ce que c'est un C15. I would like to find a pictures of C15 on internet. Oui, Jean-Pierre 31. Est-ce que Jean-Pierre 31, t'as passé un bon Noël toi aussi? Ah, Jean-Pierre 31, est-ce que t'as un nouveau synthé pour Noël? Moi, pour 2020, j'ai décidé de jouer du bon tempé. Ah, merci Max. Thank you, Max. I look. Amazing. Wow, c'est beau ça. Beautiful. Wow, wow, c'est beau. Oh, c'est vachement beau, putain. In black. Je préfère en marron. Wow, c'est beau ça. Putain, c'est beau.